À l'occasion du 15e anniversaire de la visite historique du général Kim Jong-il à la Fédération de Russie et du 71e anniversaire de la libération de la Corée, il y a eu le rassemblement de célébration au comité préparatoire du milieu social russe pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes et Toussaint 2017. Y ont pris part les personnalités du ministère russe des Affaires étrangères, du Parti communiste de la Fédération de Russie, de l'Association russe d'amitié et de coopération culturelle avec la République populaire démocratique de Corée et d'autres formations russes. Par ailleurs, le journal russe Serpui Molot du mois d'août et la page internet russe Amour Presse ont exalté les exploits du président Kim Il-sung accomplis pour la libération de la Corée.